danger apparent n'est autre que source de la vie. Pourtant cette eau dans un torrent peut emporter la vie quand même. Les apparences parfois trompeuses des choses que l'on affectionne existent même sans qu'on les nomme. Ainsi la vie voile nos yeux. Qu'un pas pour les profanes, celui des rêves, le cœur en proie, cueillant les fleurs de la bohème. Le souvenir que du vacarme est ce carquois en bandoulière. Est-il censé que je m'assoie pour retenir ce poème? Encore des sourds que j'aperçois, et bien souvent sans volontaire. Pour réveiller chez les vieilles dames de la sagesse dans leurs affaires. volait l'essence, le sourire de ceux qui vivent dans la peur. À la porte de la tendresse, la joie sans cesse tombe les murs. Toutes celles qui s'allient au passé, croient au présent, pensent au futur. Pourtant de ceux qui font le pire, croyez seulement qu'ils sont coupables. Piètre coupable dans les bottines, victime que d'autres laissent au placard. La haine est un problème, une somme de dégâts qui lui rend. Quand la victime de ce qui raille, il est autre question de pouvoir. Quand on pensait sans être coupable, quand on est acte de l'histoire. Au poids des mots, un silence épuise la source de l'espoir. À tous les mots qui se complaisent dans nos têtes, à toutes les phrases que je me tarde de vous dire, à toutes les formes qu'on interprète, à toutes les phrases qui nous animent, à tous les fonds qu'on abandonne, à tous les fonds qui nous animent. Don't let it fall. Don't let it shine. 진 국회 예보 라이완어 법만 Thank you. fait la nuit plein de vent. La nuit plein de vent. La nuit plein de vent. Plie comme un courrier, écho du cœur et du courage. Je prie parfois pour que tu tombes, que t'atterris sur mes cahiers, comme les mots flous qui me plombent. Descends de si petits papiers, si l'on te trouve, j'aurai honte. Oh, que mes mots paraissent aux yeux ainsi montré aux yeux du monde. Voilà les mots parachutés. Pourtant la nature nous écoute, j'entends souvent parler pour elle de les papiers à son sujet, tous les conflits et les querelles. Connaître les mots de ce papier qui parachute les poèmes anime au fond tous ces courriers tombés dans l'aube des fontaines. Un mot couché sur du papier reflète un peu ce qui parraine. Même si le fond n'est qu'une idée, tous ces signaux sont à la traîne. Alors pourquoi dire ces idées quand le décor n'est qu'un poème? Pourquoi le fond de mes pensées plaît aux malades tandis qu'ils gênent? Que les mots